Donc bonjour à tous. L'intervenant qui va bientôt arriver et que j'ai moi-même inscrit pour faire une intervention aujourd'hui voulait parler de la politique. Et comme comme l'intervention qui va faire est en lien avec les interventions qui ont eu lieu hier après-midi de 14h à 17h. Je vais faire rapidement un petit rappel pour que ce qu'ils disent paraisse plus cohérent. Donc la manière dont il va aborder la politique, c'est un des deux principaux systèmes de la société actuelle, avec d'autre part l'économie. Donc pour lui, l'économie et la politique sont à la fois les deux systèmes principaux de la société actuelle, mais ce sont des systèmes qui vont de pair. C'est-à-dire que d'une part, l'économie dont on a parlé hier et que lui et d'autres définissent comme un système qui est propre à la société moderne et qui est basé sur le fait que tous les individus sont contraints de vendre leur activité comme marchandise, et c'est ce qui constitue la spécificité du travail depuis deux siècles et plus, c'est le fait que chacun est obligé de vendre son activité comme marchandise et donc comme travail sur un marché ou à des particuliers ou à un patron, peu importe, il est contraint pour survivre matériellement, parce qu'il n'a pas d'autre choix dans cette société, puisque plus personne n'a de moyens de production autonome, tous les individus sont obligés de vendre leur activité, leur capacité productive, leur force de travail, on peut appeler ça comme on veut, sur un marché ou à des particuliers, etc., etc., pour produire des marchandises et en général pour produire de l'argent, que ce soit un agriculteur biologique qui est contraint de produire des marchandises et donc de manière rentable, sinon il est éliminé économiquement. Et ce qui fait que ce qu'on avait essayé de dire hier, c'était que ça n'a pas toujours existé et ça n'existera pas toujours, le fait que l'activité dans la société actuelle prend la forme d'une marchandise, donc on vend sur un marché, et qui produit d'autres marchandises. Ça peut être des marchandises agricoles, ça peut être des marchandises industrielles, ça peut même être des services. Et tout ça pour obtenir de l'argent, pour survivre économiquement et matériellement en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise. Et du coup, l'économie, à partir de ça, c'est le système où l'activité, c'est le système qui s'organise autour des individus contraints de vendre leur activité comme marchandise, de produire des marchandises, de produire de l'argent. Et donc c'est aussi le système donc des marchandises qui, tous les biens aujourd'hui et la quasi-totalité des services prennent la forme de marchandises aujourd'hui. Et qui n'a pas d'argent pour acheter ces marchandises peut crever de faim dans certains pays ou vivre de manière relativement misérable dans d'autres. C'est une société où tous les liens sociaux prennent la forme de l'argent, où tous les liens sociaux passent par l'argent, et donc ce qui fait que si on enlève aujourd'hui évidemment il y a les individus sont plus ou moins richement dotés en argent, en moyens de production, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de s'attaquer à ces inégalités et à ces dominations entre hommes et femmes, aux inégalités entre les différentes classes de salariés, mais aussi à ce qui les rend possibles, puisqu'on est, on a rarement eu une société aussi inégalitaire qu'aujourd'hui, mais c'est précisément parce que le système, parce que l'économie, parce que le capitalisme permet au travers de l'argent, des disproportions, des dissymétries monstrueuses. Et du coup, il faut savoir que comme toutes les activités humaines n'ont pas toujours eu comme but de produire des marchandises et de l'argent, mais ont pu avoir dans d'autres sociétés comme but principalement de satisfaire les besoins de manière plus directe, de produire ce dont il était besoin. De même, l'argent n'a pas toujours été la forme dominante de lien social. Il peut y en avoir d'autres, il peut y avoir des formes de dons et de contre-dons, il peut y avoir des formes de redistribution collectivement décidées comme dans les communes révolutionnaires d'Aragon de 1936-1937. Et de même, tous les biens et tous les services qu'on se transfère ne prennent pas forcément la forme de marchandises qui circulent sur un marché, qui peut être un marché libéral ou un marché planifié comme en URSS, peu importe, mais peuvent prendre la forme de transferts de biens, voilà, sous forme de dons contre dons ou sous forme d'autres logiques sociales qui peuvent parfois être complexes, qui ne sont pas que entre voisins, mais qui peuvent prendre... qui peuvent être à l'échelle de régions. On sait que, par exemple, que les îles du Pacifique étaient organisées selon des systèmes de dons et contre-dons sur des milliers de kilomètres. Bon. Et donc, ce système de l'économie qui vise donc qui force tous les individus à produire des marchandises et à produire de l'argent, il est complémentaire à un autre système qui est le système de la politique, le système et qui a pris sa forme structurelle sous la forme de l'État. C'est la forme généralisée, disons, de la politique. Et cet État, il n'est pas, contrairement à ce que parfois on pourrait croire, une limite, un obstacle au capitalisme, quelque chose qui s'opposerait à l'économie, à la logique du marché, à la logique de l'argent, à la logique du travail comme activité marchandise, mais il est en réalité complémentaire. Il est complémentaire et il est lié en même temps à lui. C'est-à-dire que il est lié à lui, il est dépendant de l'économie, parce que toutes les politiques économiques, tout ce que l'État fait, doit être financé économiquement. Il doit ponctionner pour ça de l'argent dans l'économie. Donc sous la forme des impôts, des taxes, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui, au XVIe et au XVIIe siècle et plus tard, a forcé les paysans à transformer de plus en plus leur production agricole en marchandises qu'ils devaient vendre sur un marché, parce qu'ils étaient obligés de payer des impôts. Et donc, l'État est dépendant de l'économie, il ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc du coup, ce qui fait que l'État, depuis le XVIe siècle au moins, est obligé a pour principal but de puisque c'est ses conditions de survie même, de faire en sorte que l'économie se développe un maximum, qu'il y ait le maximum de croissance, de production d'argent, de marchandises, etc. Et c'est pour ça que il peut difficilement faire des choix qui sont contraires à cette logique. Donc il va faire des choix, par exemple en Angleterre, l'État anglais, pour se développer au XVIe et au XVIIe siècle, a expulsé les paysans de leurs terres parce que ça permettait ensuite, en faisant travailler des salariés agricoles pour des grands propriétaires terriens, de produire uniquement pour un marché, ce qui allait lui permettre d'avoir davantage de ressources. Et donc je vais laisser Et d'un autre côté, l'économie est aussi dépendante de la politique. Elle dépend, c'est la police qui maintient l'ordre capitaliste. C'est le droit, tous les contrats de travail, tous les contrats de marchandises qu'on passe, par le droit. Et ce qui fait que aussi les formes de dépossession sont aussi garanties par le droit. Et ce qui fait que, par exemple, le droit aussi joue... Contre toutes les formes d'émancipation, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, que ce soit en Angleterre au XVIe et au XVIIe siècle. Voilà. Et donc, je vais laisser Anselme finir sur cette dépendance entre la politique et l'économie. Alors, bonjour. Oui, donc comme Armel vous a expliqué, donc nous sommes ici plusieurs qui à nous poser quelques questions sur la nature du capitalisme. Donc donc nous nous référons à une courante de pensée inspirée toujours par Karl Marx, donc qui s'appelle la critique de la valeur, ce qui n'est pas une école de, ce n'est pas une école de pensée, ce n'est pas un dogme, mais c'est une approche à la réalité contemporaine qui utilise à sa base des idées de Marx, mais pas tellement, pas seulement ce qu'on appelle la lutte des classes, mais surtout une critique de catégories fondamentales de la modernité qui sont essentiellement le travail, surtout dans sa forme du travail abstrait, un travail sans contenu, qui ne sert qu'à créer de la valeur, une valeur abstraite, sans contenu, qui s'exprime dans l'argent. Et qui se concrétise dans les marchandises. Donc ça veut dire, donc pour nous, donc l'essentiel de la société capitaliste, c'est donc le travail abstrait, la marchandise, la valeur et l'argent, le tout comme couronné par le fétichisme de la marchandise, autre concept de Marx, qui indique pas seulement une adoration exagérée des marchandises, mais plus fondamentalement le fait que pour nous, la vie économique centrée sur la marchandise est devenue une forme de religion. Donc certainement, c'est-à-dire nous adorons la vie économique, la production des marchandises, de la même manière que ce qu'une fois on appelait le sauvage et adorait le fétiche. C'est-à-dire en oubliant que c'était finalement eux qui les avaient créés. Dans la religion, l'être humain pense de dépendre de quelque chose qu'en vérité c'est lui qui l'a créé. Donc, alors, l'économie capitaliste est aussi donc une création, évidemment, toute évidence, créée par la société humaine, mais finalement, nous nous retrouvons dans un rapport de passivité totale. Donc, on parle souvent du loi du marché, on parle des impératifs technologiques, on parle des exigences de la rentabilité, etc. Dans tous ces cas-là, la vie économique capitaliste se présente comme une forme de une forme d'évidence, comme si c'était quelque chose d'absolument naturel. Je pense là, probablement ici tout le monde serait d'accord pour critiquer ce rapport de passivité par rapport à l'économie capitaliste. La question, c'est aussi comment combattre cette situation, quelle est l'alternative. Et c'est alors là, donc, je veux lancer aujourd'hui, dans les quelques minutes à disposition, une critique de la politique, ou ce qu'on peut dire, la politique n'est pas la solution. Parce qu'en général, ceux qui veulent critiquer le système actuel, le capitalisme, en général, proposent une réponse politique. Donc l'idée, c'est que la politique serait donc la part de la vie humaine où on peut prendre des décisions conscientes qu'on oppose aux automatismes. Alors, évidemment, dans la critique qui opère la critique de la valeur à l'égard de la dimension de la politique, il n'aurait pas de sens d'identifier la politique avec l'agir collectif et conscient tout court. Évidemment, personne ne peut être contre un agir collectif et conscient. Mais identifier ce que nous appelons politique avec cette forme d'action consciente et collective est déjà abusive. C'est un peu comme la critique du travail. Armel vous a parlé aussi, je crois, il y a 2 jours de la critique du travail. Évidemment, critiquer le travail n'aurait pas de sens si on identifie le travail avec simplement une activité utile ou productive. Évidemment, ça n'a pas de sens de la critiquer. Si nous critiquons le travail, nous critiquons la forme bien spécifique que l'activité productive a pris sous l'hédonisme en identifiant comme travail seulement les activités qui créent une valeur économique. Même discours pour la politique. Donc lorsqu'on parle de politique, aujourd'hui on parle d'une sphère séparée et qui est censé de pouvoir être opposé au capitalisme, où on identifie le capitalisme avec le seul marché, en proposant un dépassement du marché à travers une action politique. C'est justement ce qui pour nous est une approche, disons, surtout insuffisante. Donc plutôt que faux, donc c'est insuffisant. D'ailleurs, la critique de la politique ici, évidemment, ne veut pas dire de renoncer à agir dans l'espace public, pas du tout. Critique de la politique, ça veut aussi dire de ne veut pas dire de se limiter à la recherche de modes de vie alternatifs, se retirer en campagne, etc. Non. Une critique de la politique signifie qu'on ne peut pas régler politiquement une sphère économique où on accepte déjà comme naturel l'existence de l'argent et du travail et de la marchandise. Donc il fait donc une véritable sortie du capitalisme, donc doit se situer à un niveau, disons, plus profond. Donc cela inclut évidemment une critique de l'État, mais ne se limite pas à une critique à cette critique de l'État telle qu'elle a toujours été proposée par la pensée anarchiste. Parce que comme je tenterai d'expliquer, une telle critique doit aussi inclure une critique de concepts comme la démocratie directe ou l'autogestion, si elle est conçue dans le cadre des relations capitalistes. Alors, pour ce que la critique de la politique traditionnelle dans les formes de l'État, des partis, des syndicats, et je vois quand même, il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens, je pense même sur cette place, qui pensent qu'il suffirait de changer de gouvernement, de porter au pouvoir une autre partie, de sortir de l'Union européenne, etc. Alors moi, il faut quand même dire qu'on a eu beaucoup de cas en Europe dans les dernières années et décennies, des partis targués de gauche et même d'extrême, ou même de gauche radicale qui sont allés au gouvernement, ont participé au gouvernement, dernièrement donc Syriza en Grèce, dans d'autres cas il y avait aussi en Italie, en France, des partis donc de la gauche dite radicale qui ont participé au moins à des gouvernements locaux. Mais ils n'ont jamais rien fait. Ils ont toujours fini pour appliquer les mêmes politiques néolibérales que les autres forces politiques. Alors, comment expliquer ça? On peut bien sûr dire qu'ils se sont laissés corrompre, ils ont pris goût au pouvoir, et ils sont devenus membres de la classe dominante parce qu'ils ont goûté aux avantages, etc. Mais une telle critique purement moraliste qui centrée sur le comportement individuel ne peut pas expliquer ce fait qu'aucune gauche au gouvernement n'a jamais, dans les dernières 70 ans, opéré quel que ce soit. Donc ce ne peut pas être seulement une question de bonne ou de mauvaise volonté. Mais il y a quelque chose de plus structurel derrière. C'est le fait que même là où dans tous les cas qu'on a eu des gouvernements de gauche, ces gouvernements de gauche ne sont évidemment jamais attaqués au fondement quotidien de la reproduction matérielle, c'est-à-dire donc au fait qu'il faut vendre sa force de travail pour avoir qu'on obtienne tous à travers l'argent, etc. Mais une fois que le système capitaliste est accepté dans ses bases même, effectivement, il est presque impossible de en changer quelques détails sur le plan purement politique. Donc, par exemple, aujourd'hui, les États, même pour financer ce qu'on appelle l'État social, le welfare, ils doivent quand même trouver quelque part de l'argent. Et voilà, et tous les États aujourd'hui se financent en recourant aux marchés financiers internationaux pour emprunter, et évidemment pour pouvoir emprunter ils doivent par exemple accepter certaines formes de politique économique, par exemple axées sur l'austérité budgétaire. Donc, paradoxalement, tandis qu'on reste sur le plan de l'économie capitaliste, très souvent, les recettes, disons, néolibérales de droite sont plus réalistes, entre guillemets, et c'est aussi l'explication du fait que très souvent, c'est la droite et l'extrême droite qui gagnent les élections, un fait qui est en vérité paradoxal, si on considère les intérêts en enjeu. Mais cela arrive justement parce qu'une fois qu'on a donné comme une évidence l'existence, je dis, du travail, d'un marché, du capital, etc., il faut aussi se plier au reste de ces règles-là. Seulement que ces règles n'ont absolument rien de naturel et d'évidente. L'humanité a vécu assez longtemps sans marché, sans argent, sans travail, etc. Donc il n'y a rien de, que soit naturel ou évident en cela. Donc c'est une fait typique de la modernité. Mais une fois qu'on est là-dedans, il faut en sortir ou complètement ou pas du tout. Donc cela donc pour dire qu'il n'existe pas une autonomie de la politique. Je pense que c'est là que rendent inutile et même dangereux tout le discours sur un retour à la souveraineté nationale. Donc ce n'est pas en sortant de la communauté européenne, ce n'est pas en revenant à une forme d'autonomie nationale qu'on peut sortir ni du capitalisme, ni même pas du néolibéralisme. Évidemment, en disant cela, je ne veux pas dire qu'il faut rester dans la communauté européenne ou il faut continuer avec la politique libérale, pas du tout. Je dis simplement qu'une sortie doit se placer à un niveau plus profond. En plus, donc, l'appel positif à l'État, tel qu'il est actuellement assez à la mode, donc avec j'ai beaucoup d'initiatives politiques comme Attaque, le monde diplomatique, les économistes attristés, non, comment ça s'appelle, Donc, tous ces cas-là, on fait comme toujours appel à l'État, comme si, parce qu'il est vrai que dans les dernières décennies, donc le néolibéralisme triomphant a tellement accentué le rôle du marché et de la privatisation que beaucoup ont été amenés à croire que l'État, en tant que tel, constitue le pôle, c'est-à-dire positif de la socialisation moderne, comme si l'État était en tant que tel ce qui organise les intérêts collectifs face à l'intérêt privé. Mais déjà, historiquement, cela n'est pas du tout le cas. L'État n'a jamais été un adversaire du marché. Donc, historiquement, c'est l'État qui, déjà à partir du XVIe siècle, a aidé à la naissance du marché. Donc, l'État et le libre marché ont pratiquement toujours marché main dans la main. Il y avait seulement certains moments dans l'histoire où le marché semblait tellement bien marcher sur ses propres bases que il a de manière temporaire poussé l'État vers le fond, aussi parce qu'il y a des moments où le capital trouvait que l'État coûte trop cher. Mais cela, ce sont comme historiquement plutôt des exceptions. L'État est toujours là pour aider le système capitaliste, même dans tout moment de faiblesse et de défaillance. Donc, l'État n'est pas une espèce de carapace neutre qu'on pourrait simplement occuper pour lui donner une autre contenu. Cela est aussi le cas pour une autre raison très simple, que l'État et les marchés ne jouent pas à la même hauteur. C'est-à-dire, ce sont les deux pôles de la société moderne, ils n'ont pas le même poids. Pour une raison très simple, l'État ne peut jamais se réduire à la seule violence. Donc, c'est seulement une machine de redistribution et de stimulation de la vie économique. Mais l'État n'a pas une puissance autonome de créer de la valeur économique. Donc, si l'État commence simplement à imprimer des banknotes, ça finit très mal. Donc, ça veut dire que l'État marche seulement autant qu'il réussit à prélever une partie de la production des valeurs pour le redistribuer à d'autres fonds, par exemple l'État social. Et voilà pourquoi l'État se trouve toujours dans un rapport de dépendance structurelle. Et si l'État ne réussit plus à avoir assez d'argent à disposition, il ne peut plus faire grand chose. Voilà pourquoi autant qu'on n'a pas le courage de mettre en question le système de reproduction capitaliste en tant que tel. Par exemple, il n'aurait aucun sens de revenir à une souveraineté nationale, parce que cet État-là aurait le même problème ou de devoir retenir les capitaux et éviter leur fuite vers l'étranger, et donc de ne pas les taxer trop, par exemple. Ou également, donc l'État, comme tout, une France sortie de l'Union européenne, aurait des problèmes encore plus grands qu'avant pour se financer sur les marchés internationaux, parce que sa monnaie serait encore plus dévalorisée et sujet à des attaques spéculatives. Bien sûr, vous comprenez, je ne fais pas du tout l'éloge de l'Union européenne ou des politiques néolibérales, etc. Moi, je dis que paradoxalement, les tenants de ces opinions ont en général tiennent le haut du pavé parce qu'ils sont effectivement plus en syntonie avec la marche réelle du système capitaliste. tandis que les néo-keynésiens, les sociaux-démocrates, en général, ils veulent garder l'essentiel du capitalisme, mais le corriger dans quelques détails. Ce qui a été possible dans une phase d'expansion économique comme pendant les 30 glorieuses, mais aujourd'hui, dans un contexte de crise qui dure depuis des décennies, pratiquement, il n'a plus de marge de manœuvre. Et donc, il faut aussi se rappeler que l'État, ce que nous appelons l'État social, donc les subsides pour les chômeurs, pour la retraite, etc., également n'ont pas seulement été une conquête du mouvement ouvrier qu'on a arraché au capital, son corps défendant. Cela est une partie, oui, mais quand même les premières formes d'État social ont été établies en Allemagne déjà par Bismarck, qui n'était pas précisément un révolutionnaire. Ensuite, en Allemagne, ils ont aussi très poussé par les nazis même. Et je crois qu'en France, si je ne me trompe pas, par exemple, le soutien à la maternité, c'était une fonction du régime de Vichy. Donc ça veut dire même le rôle historique de l'État social est un rôle plutôt ambigu qui a souvent essentiellement servi aussi l'intérêt de la pacification sociale et aussi d'augmenter le pouvoir d'achat de la classe populaire. Donc c'était pas simplement des conquêtes que maintenant le capital veut reprendre. Donc, d'une certaine manière, le problème, c'est que l'État et toute la politique n'est que ce qu'on peut appeler une forme d'exécution d'impératif systémique qui se situe à du niveau plus profond. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde, nous tous, sommes, indépendamment de nos opinions politiques ou sociales, nous sommes obligés à réussir à nous vendre, à trouver un acheteur pour notre force de travail. Nous sommes souvent obligés, par exemple, à prendre une voiture. Si nous avons une voiture, nous sommes plutôt obligés, même si nous sommes au niveau de conscience, nous sommes peut-être contre le trafic individuel, quand même espérer qu'il y a, par exemple, des rues assez bien organisées pour arriver rapidement. Nous devons espérer que le système de retraite marchera encore le jour où nous devons prendre notre retraite, etc. Donc il y a aussi un fort décalage entre ce que nous pouvons savoir au niveau des consciences et ce que nous sommes obligés à exécuter tous les jours pour pouvoir survivre. Et donc ce qu'on appelle les politiques est essentiellement le système de faire marcher ces contraintes. Qui très souvent, je dis, ces contraintes ont été complètement intériorisées. Une bonne partie de nos contemporains y croient même dur comme fer qu'il faut travailler, qu'il est beau d'avoir une grosse bagnole, etc. D'autres entre nous ont des doutes, mais de toute manière, nous sommes de toute manière tous dans un système à laquelle on n'échappe pas facilement. Et donc, les décisions politiques, ce qu'on appelle les décisions politiques, donc en général, consistent en la recherche comment faire marcher le mieux ces systèmes sans réussir à les mettre en question. Cela, évidemment, est vrai pour l'État. Comme je dis, même un État qui serait gouverné par la gauche aurait par la première préoccupation d'assurer que la production économique fournit assez d'impôts à l'État pour pouvoir financer, par exemple, un État social. Évidemment, je dis, il existe des alternatives. On pourrait, par exemple, dire justement à toutes les personnes prenez les moyens productifs et produisez pour échanger avec d'autres. Mais là, nous serons dans une perspective révolutionnaire, évidemment, qui n'est pas du tout le programme ni d'aucun nouveau parti anticapitaliste, ni de Syriza, ni de Podemos, etc. Donc tout ce qu'on appelle la politique de gauche aujourd'hui est toujours une politique de la redistribution de la valeur monétaire. Et donc, là, le discours est devenu plus problématique et peut-être susciterait aussi plus de critiques quand je dis que la démocratie directe ou l'autogestion ne sont pas en tant que telle une alternative. Parce que, pour donner un exemple, une usine, même parfaitement autogérée par les ouvriers aujourd'hui, tandis qu'elle doit opérer dans un système capitaliste, elle doit réussir à vendre ses marchandises. Et si, par exemple, on trouve que les ouvriers sont trop par rapport à la valeur produite, même une usine autogérée terminerait par décider très démocratiquement qui doit être licencié et qui va rester sur place. Je dis cela parce que très souvent la gauche, même les anarchistes, ont très souvent énormément discuté sur des questions d'organisation pour éviter toute forme de hiérarchie, toute forme de manipulation, toute forme de reconstitution des chefs pour arriver à une forme de démocratie radicale où vraiment toutes les opinions coûtent, ont la même valeur. Évidemment, cela est important, mais ce n'est pas encore suffisant, tandis que les individus auxquels on n'a pas une possibilité réelle de décider des structures quotidiennes de la reproduction de leur vie. Autrement, on arrive à des paradoxes auxquels j'ai aussi assisté. Par exemple, une assemblée de copropriétaires d'une grande immeuble où une bonne partie voulait abattre les arbres qui étaient au milieu de la cour pour y faire des parkings pour ne plus gâcher son temps chaque soir à trouver où s'égarer. Mais par exemple, si une fois qu'on admet, par exemple, il doit y exister des voitures, des parkings individuels, etc., un tel choix peut être parfaitement logique si on veut démocratique. Donc là, il faut, comme dans cet exemple, vraiment critiquer le système même qui produit ce genre d'alternative. Et voilà, donc, sortir du capitalisme, donc, veut aussi dire sortir d'un système où nous nous rapportons l'un à l'autre seulement en tant que porteur d'une certaine portion de travail qui crée une valeur et donc qui donne des marchandises. Cela n'est pas, et aussi, mais pas seulement une question de mentalité, donc ce n'est pas une question seulement des points de vue, mais il faut réellement changer la forme de production sociale. Et donc une politique au sens large, donc évidemment, ne peut pas consister dans une gestion différente de ce impératif systémique, mais justement dans la tentative de sortir de ces contraintes systémiques et d'inventer une façon consciente de gérer des choses en commun. Merci. Est-ce que vous avez des questions? On a une trentaine de minutes, donc si vous avez des questions, des remarques. Des demandes de précision ou... Oui. Le nom de la personne, Anselme. D'accord. Non, pas de questions pour l'instant. Ou des remarques. Personne n'ose. Oui, allez-y, ouvrez le débat. Pour dire les choses comme elles sont, bon, je connais Anselme Japp et j'ai assisté à beaucoup de ses séminaires. Une question, me semble-t-il, a une certaine actualité. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on a pu entendre dans la bouche de Dardot ces jours-ci, dans son nouvel ouvrage, c'est la question de l'imaginaire. La question de l'imaginaire qui tient cette société. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que y a là des leçons de mai 68. Par exemple, quand certains avancent l'idée de tout bloquer, moi je suis assez d'accord avec cette idée de tout bloquer, bien que ça soit pas réalisable comme ça d'un claquement de doigts ni sur décret, parce que c'est à partir du moment où cet ancien monde, cette société habituelle s'arrête de fonctionner telle qu'elle a fonctionné tous les jours, que les individus même qui composent cette société commencent à se poser des questions, et on peut même dire quelque chose, c'est que l'imaginaire qui tient encore cette société, l'imaginaire que moi j'appelle, que je caractérise par le fait que ce soit un imaginaire structuré par la rationalité calculatrice. C'est quelque chose qui est d'ailleurs qui est en phase complètement avec le capitalisme lui-même. Eh bien, à partir du moment où cette société ne fonctionne plus comme avant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus il y a plus d'essence, il n'y a plus de radio, il n'y a plus de télévision, il y a 11 millions de grévistes, etc., etc., alors on ne peut plus vivre comme avant. Et à partir de ce moment-là, cet imaginaire-là commence à basculer, et là, ça ouvre des perspectives autres que ce qui était celle de ce monde ancien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou voilà, des remarques aussi comme ça? Une question très simple. Je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu, hein, de ce que vous ou tu as dit. Mais qu'est-ce que tu proposes? Tu parlais de comment sortir, tout ça, mais comment tu verrais une sortie, justement, du capitalisme? Évidemment, on ne peut pas donner une réponse univoque. Je dirais, par exemple, toutes les formes où les gens s'approprient directement les moyens de production et de consommation, aussi pour produire et échanger directement, sont par exemple déjà quelque chose que dirait qui va au-delà de la politique. Donc si on arrête donc de faire de demander des choses à l'État, et plutôt on commence à se les prendre directement sans demander des autorisations. Non, alors je vais encore ajouter, donc peut-être mon discours pourrait paraître assez ou comme si c'était une espèce de surenchère de radicalisme. Donc ce n'est pas la question. Je pense que c'est une question assez actuelle. Il faut quand même dire que je pense que toute idée qu'on peut sortir du capitalisme en faisant appel à l'État va exactement dans la direction, dans la mauvaise direction. Donc il est vrai qu'on nous a tellement cassé les oreilles dans les dernières 30 ans avec les privatisations et les vertus du marché qu'on peut effectivement, on pourrait dans un premier moment penser que l'État est quand même quelque chose de meilleur, du genre qu'un hôpital public peut être meilleur qu'un hôpital privé. Ça peut aussi être vrai dans les cas particuliers. Il existe peut-être même des cas où ça vaut la peine de défendre le public, par exemple dans le cas de la santé. Mais en général, il faut dire, l'État ne peut dans aucune instance, globalement, être une instance qui peut aider l'émancipation ou qui peut aider le développement d'autres formes de vie. Je répète, le problème n'est pas la corruption ou de la part de ceux qui se mettent dans la politique. Donc on ne peut pas penser que tous ceux qui se mettent dans la politique et qui finissent pour devenir comme les autres politiciennes sont simplement des gens qui n'ont pas eu assez de courage pour aller au fond, donc, par exemple dans le cas des Syriza. Je pense que le fait vraiment, c'est une fois qu'on met le doigt dans cette machine qui est l'État, on finit effectivement pour être complètement tiré dans la gestion de l'existence. Oui, vous avez. Bon, c'est une question de Thierry. J'ai remarqué que dans l'exposé, il a été dit que tout s'est corrompu, le mauvais virage a été pris au XVIe siècle. Et moi, je suis étonné d'une date aussi récente. J'ai l'impression que bien avant le XVIe siècle, il y avait déjà des horreurs, il y avait déjà des sociétés où, personnellement, j'aurais surtout jamais aimé vivre. Que, par exemple, je pense que la mondialisation n'a pas commencé au XVIe siècle. La mondialisation dans l'espace eurasiatique, parce qu'à ce moment-là, on connaissait surtout un immense continent qui est l'Eurasie, ben, elle existait déjà quand la famille de Marco Polo allait faire du commerce depuis Gênes, Venise, jusque du côté de l'Empire chinois. Donc c'était déjà la mondialisation à ce moment-là. Et ce qui est marrant, c'est que à ce moment-là, c'était déjà des espèces de Pinot ou d'Arnaud, c'est-à-dire des hommes d'affaires, des commerçants qui étaient attirés par le commerce du grand luxe. C'est-à-dire si les Marco Polo et compagnie, ils allaient très loin, c'était pour ramener des stupidités de luxe pour que des riches puissent parader et frimer. Et que la frime, c'est vraiment toujours ce qui a tiré le commerce et qui a excité les commerçants. Donc c'était déjà l'horreur en 1250 à l'époque de Marco Polo, mais on peut remonter encore plus loin. Et moi j'estime que c'était déjà l'horreur dès qu'il y a eu les premières cités-États en Mésopotamie. Et les premières cités-États, c'était il y a 6000 ans. Donc moi, je dis pas 16e siècle, je dis que on vit dans un monde totalement pervers, un monde idiot, depuis au minimum 6000 ans, parce que quand il y avait des princes en Mésopotamie qui obligeaient les gens à vivre agglutinés d'une façon immonde dans des cités, et que ces princes se mettaient à construire des tours gigantesques qu'on appelait des ziggourats, le seul but des tours, c'était de frimer et de montrer à l'autre prince d'à côté « Ah, moi j'en ai une plus grande que la tienne ». Bon, je fais pas une allusion macho, mais c'est... Et on remarque que dans le même Moyen-Orient, encore aujourd'hui, il y a des constructions de tours absolument délirantes. Il y a déjà des tours de 600 mètres de haut, de 800 mètres de haut. Dans deux ans, il va y avoir une tour de 1001 mètres de haut, juste pour défier les 1000 mètres des Occidentaux. Donc, pour moi, c'est vraiment un peu léger de dire que tout revient au XVIe siècle. Maintenant, je suis complètement d'accord avec Ansel Yapp quand il dit « Arrêtons de faire des demandes à Papa État ». Arrêtons de faire comme Mélenchon et le NPA. Ah, papa État, il faut faire ci, il faut faire ça, l'État social. Ça, ce sont des attitudes citoyennistes. Moi, personnellement, mon mot d'ordre, ça serait plutôt des ZAD partout, c'est-à-dire des zones d'autonomie définitive. C'est on boycotte tout, on n'achète plus rien, on déserte, on fait sécession, on s'organise en petits groupes, on produit nous-mêmes à petite échelle, on opte pour un mode de vie sobre, ce que certains appellent la décroissance. On opte pour une petite vie tranquille en petits groupes, on autoproduit et on laisse crever de faim les usines parce qu'on ne veut pas d'usines, on ne veut pas d'ouvriers, parce que être pour les ouvriers, c'est être pour les esclaves. L'ouvriérat est un crime contre l'humanité au même titre que l'esclavage. Et donc je pense qu'il faut aller vers une société extrêmement simple au niveau technique et écologiquement, ça ne sera que bénéfice pour la biosphère. Personnellement, je suis dans une tendance qui n'existe pas encore, hélas, en France. On appelle ça les anarchistes primitivistes. Moi, je me revendique anarchiste primitiviste. Donc, je suis non seulement contre le capitalisme, je vais beaucoup plus loin. Je suis contre le capitalisme, je suis contre le communisme, je suis contre le socialisme, parce que je suis contre tout ce qui emballe tout ça, c'est l'industrialisme. Donc je suis finalement ce qu'on appelle aux États-Unis anarchiste anti-civ, ça veut dire anarchiste anti-civilisation. Et j'espère qu'on va être de plus en plus nombreux à tout boycotter. De toute façon, il faut plus rien acheter parce que consommer, c'est être sommé d'être con. Donc il faut rien acheter, il faut tout boycotter. Et j'espère que c'est ça auquel Ansel Yapp fait allusion quand il dit qu'il faut cesser de faire appel à papa État. L'État, c'est pas la réponse. Oui, mais ton discours sur les dernières racines du mal me rappelle un discours que quelqu'un m'a fait une fois sérieusement, que tout le capitalisme et tous les malheurs de la société des classes ont commencé avec le jambon. Vous savez pourquoi? Parce que le jambon, on peut le conserver, et donc le jambon aurait été le premier produit qu'on pouvait accumuler, et donc il pouvait être une première forme de richesse accumulée qui donne un pouvoir, une espèce de proto-capital. Donc en plus, particulièrement drôle, la personne qui m'a expliqué cela, elle habitait à Bayonne, même. Mais alors, je trouve que c'est... évidemment, tu as raison qu'il a toujours eu, on a toujours eu beaucoup de salauds et de gens qui aimaient frimer aux dépenses des autres, c'est vrai. D'ailleurs, entre guillemets, je crois que Marco Polo, il a aussi ramené de l'Asie le poivre, que je trouve n'est pas un produit complètement inutile et de luxe, autre question. Mais non, pour dire, en vérité, un discours comme le tien finit pour être dire le contraire de ce qu'il veut dire, parce qu'il finit pour dire que tout ce que nous arrivons aujourd'hui, ce n'est que une manifestation particulière d'une espèce de mauvaise nature de l'être humain. Parce que pratiquement, au moins depuis que nous sommes dans une forme d'histoire, donc les êtres humains se sont mal comportés et en vérité, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait avant, à l'époque des grottes de Lascaux. Donc alors, avec ce discours-là, donc disparaît aussi toute spécificité de la société capitaliste. Il semble que l'être, donc paradoxalement, on retourne à un discours très bourgeois, du genre comme le discours « l'homme est une loup pour l'homme » qui disait déjà au XVIIe siècle le philosophe Hobbes. Je pense qu'il serait beaucoup plus utile de ne pas se interroger maintenant sur une nature humaine prétendue, mais de voir en quoi le capitalisme a créé des souffrances absolument nouvelles, ce qui ne veut pas dire que les sociétés avant étaient nécessairement meilleures, ni je crois personnellement qu'après le capitalisme, on rentrera dans un paradis. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation de ce que d'autres ont appelé la méga-machine, où il y a une telle imbrication d'un fétichisme technologique et d'un fétichisme économique, qui ont fait perdre aux êtres humains tout sur leurs propres conditions de vie. Donc, la société se présente à nous comme quelque chose d'absolument superpuissants. Et donc, c'est ce que je dis, ce sont les contraintes systémiques au moment où l'être humain a augmenter ses pouvoirs sur la nature à un degré jamais eu, jusqu'au point de pouvoir détruire la Terre plusieurs fois. En même temps, donc jamais la société même s'est vue tellement impuissante face à ses propres créatures. Et donc là, c'est effectivement un fait historique particulier qui, en vérité, n'est dur que depuis peut-être 2-3 siècles, qui s'est accentué seulement dans les dernières décennies et qui est une fait qu'on peut historiquement aussi dépasser. Je pense qu'il vaut mieux de commencer avec ces situations historiques particulières plutôt que de tenter d'éradiquer, par exemple, tout esprit de concurrence et tout désir de frimer dans les êtres humains. Parce que sinon, on commencera vraiment à vouloir vider la mer avec une cuillère, comme on dit. Oui, je fais partie du groupe là qui discute avec Anselme, voilà. Effectivement, je crois que la tentation un peu spontanée qu'on a tous de considérer que l'État et la politique pourraient être un recours contre l'économie et le marché est à mon avis un biais très problématique. Pour la simple, enfin, une des raisons que j'avancerai, c'est que en réalité l'économie elle-même est déjà profondément politique. L'essentiel même de la politique est déjà se passe là. De sorte que il reste très peu de choses à l'État. L'essentiel des décisions qui sont prises le sont déjà au niveau de l'économie. Il reste très peu de choses en réalité que l'État pourrait saisir pour faire quoi que ce soit. Tout est déjà décidé pour l'essentiel une fois qu'on a accepté l'économie, son fonctionnement. C'est pour ça que c'est paradoxal. Quand on a accepté la marchandise, on accepte le système de la marchandise. On accepte la concurrence, on accepte que les entreprises les plus performantes sont les entreprises qui détruisent le plus de travail, etc., etc. On voit la crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est une crise qui s'explique pour une bonne part par le fait que les systèmes productifs sont devenus trop sophistiqués d'un point de vue technologique, qu'ils ont détruit beaucoup trop de travail, et que, du coup, pour le dire de façon un peu simplifiée et approximative, la demande ne suit plus. Voilà. Mais déjà, voilà, j'insiste là-dessus, déjà, voyons bien le caractère extrêmement contraignant que comportent déjà les formes sociales capitalistes. Voilà. Tout s'induit à partir du moment où on les accepte. Oui. Alors pour répondre à l'intervention de l'anarcho primitiviste, évidemment que les sociétés avant le capitalisme étaient également des sociétés de domination de groupes sociaux sur d'autres groupes sociaux, des sociétés d'exploitation, des sociétés qu'on n'a pas envie évidemment de reproduire. Après, comme l'a dit Anselme, il y a quand même des spécificités dans la société capitaliste. Mais au-delà de ça, il s'agit de se libérer en même temps que de se libérer du capitalisme, de se libérer également des sociétés fondées sur des dominations de groupes sociaux, mais également sur des dominations de genre aussi, effectivement. Et domination aussi de structures comme l'argent, comme le travail, comme la marchandise, comme le marché, comme l'État, qui sont pas propres à des groupes sociaux, mais qui sont des structures qui dominent tout le monde, et effectivement, dont certains bénéficient plus que d'autres, mais qui, les capitalistes dépendent de l'argent. Un capitaliste qui a plus de fric, il est dans la merde, quoi. Et donc, du coup, juste pour revenir sur la question de la sortie du capitalisme, il y a déjà eu plusieurs processus révolutionnaires qui ont tenté la sortie du capitalisme. Je ne vais pas les détailler, mais à la base de ça, il y avait une auto-organisation Pour prendre l'exemple de l'Espagne des années 30, il y avait à la base des luttes très fortes, une auto-organisation très forte, la construction d'espaces collectifs et d'une conscience collective commune très forte. Et il y avait aussi, et ça c'est important de le dire, il y avait aussi une conscience relativement claire de ce à quoi on voulait s'attaquer, c'est-à-dire non pas seulement à la finance, aux banquiers, aux juifs ou à un gouvernement en particulier, mais à la domination de classe, mais aux rapports sociaux de genre, mais aux rapports capitalistes. Et c'est pour ça que cette révolution de 1936-1937, c'est celle qui allait le plus loin dans l'émancipation, même si elle a été réprimée, mais celle qui allait le plus loin dans l'émancipation, parce qu'à la fois, elle était bien préparée par des années d'auto-organisation, de lutte et de prise de conscience, de discussion théorique sur ce que c'est qu'une critique vraiment émancipatrice de la société capitaliste. Et ensuite, ça a été aussi sa volonté de mettre en œuvre ce qu'elle avait pensé et ce qu'elle avait projeté théoriquement les années précédentes. Et à mon avis, c'est évidemment les conditions historiques ont changé. On ne peut pas répéter la même chose. Mais il faudrait au moins s'inspirer de ces principes, voilà, d'auto-organisation, de lutte, et avoir une conscience théorique claire qui mène vraiment vers une société émancipatrice. Parce que on connaît aussi des projets théoriques qui se sont arrêtés trop tôt, comme le marxisme-léninisme, qui n'a pas fait une critique sérieuse de l'État et même des structures capitalistes, et qui a fini par reproduire toutes les tares de la société capitaliste et de l'État dans cette horreur qui a été l'URSS. Moi, je vais faire une intervention peut-être plus chercheuse, moins ordonnée que les précédents, mais ce qui m'a paru depuis que ça discute ici, en particulier sur la place, c'est des verrous idéologiques, enfin ce que je considère comme des véritables verrous idéologiques qui empêchent, qui retient les gens d'oser penser une émancipation, et ça tourne vraiment autour des principes de justification idéologique de l'État, et en particulier de l'État de droit, qui repose sur des déclarations universelles, donc qui prétend à cette espèce d'universalité. Et puis les droits concrets, ils ont beau montrer de façon absolument évidente qu'ils n'ont strictement aucun rapport, au contraire à leur logique d'une universalité, qui découpent les droits des gens en petits tronçons, qui les met les uns contre les autres, etc. Et puis qu'on est tous là en train de demander le droit au travail, le droit à ceci, et on nous a repris les droits, etc. Au lieu d'avoir cette simplicité de dire nous défendrons notre peau, d'accord, parce que tout le monde a une peau. Même les immigrés, ils ont besoin d'avoir des moyens pour vivre, et que tout droit est forcément limité, c'est-à-dire que le droit dit en creux à quoi on n'aura pas droit, puisque c'est à ça qu'on aura droit, ça veut dire qu'on n'aura pas droit à autre chose. Surtout, qui a droit à ce à quoi toi tu as droit, étant donné les droits dans lesquels, etc., etc., etc. Et on voit les gens être totalement, et même le mouvement ouvrier dans son entier, être totalement ligoté par ces minuscules ficelles des droits acquis, pas acquis. Ouais, oui, mais on en veut d'autres, mais oui, mais là on recule, ici on avance, etc. Et puis moi, par exemple, quand j'étais maîtresse auxiliaire dans l'éducation nationale, ah ouais, mais tu comprends, évidemment, t'as le droit à enseigner, mais on a droit aussi de réclamer un certain niveau de formation pour les maîtres, parce que sinon ils vont plus nous payer, etc., etc. Je n'ai jamais vu que des pièges qui sont vraiment, tu tires dessus, tu te retrouves totalement ligoté comme une momie par tous ces droits particuliers, et ça ne fatigue pas les gens de raccrocher ça aux droits universels des gens, des humains, etc. Alors que, évidemment, si tu parlais tout à l'heure, Hermel, de ce qui s'est passé en Espagne, bon, bien les communes libertaires d'Aragon se sont heurtées à une autre partie du mouvement républicain, qui était les communistes staliniens de Catalogne, etc., qui eux voulaient reconstruire un État dans les territoires libérés, qui voulaient donc, et qui ont demandé que c'est et qui non seulement pas demandé, mais ont aidé à la destruction des communes autonomes d'Aragon. Et ça s'est terminé dans le sang, ça s'est terminé dans la violence. Donc il y a vraiment un choix à faire, qui est d'arrêter d'adhérer à ce système de justification même de nos dirigeants, et par exemple la démocratie ou le vote à la majorité. Mais c'est exactement comme le fric, ça, le vote à la majorité. Qu'est-ce qui vous dit que les minoritaires n'ont pas raison, si on parle de raison? Qu'est-ce qu'on a le droit de voter comme droit des minoritaires? Quel droit on a le droit de retirer aux autres parce qu'ils sont pas aussi nombreux que nous? Si le massacre de juifs avait été voté à la majorité, ça aurait été démocratique? Mais on devient fou. Sur les droits des immigrés, c'est une évidence. Ils ont tous les droits. Donc qu'est-ce qu'on va voter? Des lois, de nos machins, ou des papiers, ou des sans-papiers, des moitiés de papier, des trucs de papier, des trucs de machin, etc., etc. Il est évident qu'ils ont le droit au sens animal. Ils sont des êtres humains comme nous. Donc évidemment, il faut qu'ils aient les moyens de vivre dignement, comme nous, et basta. Tout le reste, c'est entrer dans une machine folle. Alors, je vais prendre toutes les dernières questions qui restent, et puis on vous laissera conclure. Il y avait... Oui. Je voulais soulever quelques petites questions par rapport à la critique de la valeur que développe Anselme Jalpe sur la critique de la valeur. De quelle façon la valeur aujourd'hui se développe-t-elle aujourd'hui? Est-ce que le travail est l'unique centre de valorisation de la valeur en tant que telle? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui permettent aussi à la valeur de se développer? C'est aussi des questions aussi dont il faudrait aussi parler, notamment par le caractère fictif du capital, et aussi le fait que depuis une trentaine d'années, le travail... Moi, je pense qu'on ne traverse pas simplement une crise économique, mais aussi une crise des rapports de production, une crise du travail. Le mode de travail a changé, et le travail n'est plus forcément la seule et unique source de valorisation, et c'est pas par ce biais-là que le capital se restructure, et notamment par l'effet du capital fictif qui fait croître des bulles. Mais le capital vit aussi en fonction de cela. Hein, donc, et bon, quelque chose qui est totalement symptomatique, c'est le fait qu'on ne peut pas arrêter l'hémorragie de nombreux licenciements, de grands groupes, de grandes sociétés qui ne fait que croître de plus en plus, quoi. Et par ailleurs, bon, la rupture avec la domination avec le capital se fera aussi surtout par la fin de l'argent, fin de domination. Et la question de la rupture avec la société industrielle, je suis pas un primitiviste, mais la question du rapport à la nature et du rapport avec ce qu'on a créé, hein, parce que l'être humain a quand même créé des choses qui l'aliènent et que la technique n'est pas neutre, cette question-là, elle est quand même importante. Et c'est un enjeu qui est fondamental, qui contribue à nous aliéner de plus en plus. Donc, y a la rupture envers la technoscience est importante aussi, de mon côté. C'est juste une question au cas où tu aurais un avis sur ce que tu penses sur les communs, ce qui est en train, une réalité qui se développe dans le monde, et qu'on appelle aussi économie collaborative, et qui est censé rompre avec le profit, et avec qui ne cherche qu'à correspondre à la satisfaction des besoins des personnes concernées. Est-ce que tu y vois quelque chose de positif ou pas? Bon, une dernière question là-bas, enfin deux là-bas, et ensuite vous... J'ai récemment découvert ce discours de critique de valeur et il me semble qu'il est très pertinent. Mais quand j'ai lu le manifeste contre le travail de critique, il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'il y avait une idée plus ou moins implicite, explicite, que pour des raisons économiques, le capitalisme va tomber tout seul pendant quelque temps. Donc la logique implicite, c'était que on s'autonomise un peu, on essaie d'apprendre à faire sans travailler, sans valeur, etc. tandis que le capitalisme lui-même, il va tomber pendant quelque temps. Moi, je suis pas dans la situation, pour des raisons d'éducation économique, de répondre si c'est vraiment vrai ou non que ça va tomber, mais je trouve que ce soit une réponse assez risquée. Et alors, si on assume que le capitalisme ne va pas tomber tout seul, la question se pose bien sûr comment s'y opposer. Et par exemple, dans le discours qui a été produit ici, je trouve que c'était bien articulé l'idée qu'on doit se délier de l'État. Mais si on se délie de l'État, il me semble qu'il y a deux options, soit l'exil, soit la lutte ou opposition. Exil, il me semble que ça ne marche pas, tandis que de opposition active, il faut le thématiser. Et il me semble que c'est ça la dimension qui est un peu délaissée dans ce discours. Et c'est ça qui est, comment dire, que le débat aussi s'est tourné en gros un peu sur cette question et que c'est un peu délaissé de côté. J'aimerais en entendre un peu plus. Très court, parce que ça va dans le même sens. C'est très bien de dire il ne faut pas attendre quoi que ce soit de l'État capitaliste. Et il faut arrêter avec toutes les politiques qui consistent à dire à demander de papa l'État et de se séparer. C'est très bien de dire le moyen de construire un avenir passera inévitablement par prendre les usines, prendre les moyens de production, faire marcher les trains gratuitement, prendre l'économie en main. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on prendra les usines ou lorsqu'on même on commencera à y toucher, l'État arrivera sous une forme très politique de répression extrêmement violente. Et que, peut-être qu'on ne va pas l'appeler politique, mais qu'il faut se préparer à apprendre, à avoir confiance en nous, à savoir nous organiser, pour pouvoir agir contre cet État qui va s'opposer à cette prise en main de l'économie par nous-mêmes. Alors, je ne sais pas, c'est ici les 2 minutes, j'imagine, non ? La règle des 2 minutes, donc on a tous intérêt à devenir des poètes déclinés comme vous voulez, qui sécrètent des haïkus. Ou alors on va dire des trucs décérébrés comme les Twitter des hommes d'État, je sais pas, je pense à Renzi ou peut-être Hollande ou d'autres, que c'est vraiment du néant, une espèce de production de trucs de cul au sens philosophique de Archloch, Anselme, non? Alors, dire une chose, moi je me permets de dire d'une façon ici très à la sauvette, parce qu'il y a peu de temps, qu'il ne me semble pas tant que les problèmes soient discutés si ou non on est dans ce qui a été appelé la crise générale du capitalisme, la crise définitive dans laquelle tout s'est délite, Zusammenbruch, comme on prononce, parce que de ce point de vue, je pense, Franchement, ça n'a rien à voir avec les idéologies de la catastrophe de surproduction, sous-consommation, mais on y est dans cette espèce de délitement, de sfacelo, je ne sais pas, de désastre en chaîne de tout type, dans lequel les vieux dilemmes d'une belle image, je pense, d'origine situent. Mieux vaut une fin épouvantable qu'un épouvant sans fin. Quand tu penses au délire néfaste des transhumanistes, des algorithmistes, de ceux qui pensent quelque part qu'il faut qu'on est prêt du point de non-retour et que donc le problème c'est apprivoiser les robots pour éviter que ça soit comme Terminator, il faut le rendre friendly. Donc, quelque part, là, il n'y a pas un grand problème. Je pense qu'on y est, et que si elle n'est pas vue, c'est parce que c'est comme le brouillard. Quand vous êtes dedans, vous n'avez pas la perception de ça. Le problème, plutôt, le problème, disons, de là, ce qu'on appelait la subjectivité, c'est, mais la forme qu'il prend, cette espèce d'enchaînement, oh voilà, on emprunte des mots comme catastrophe, apocalypse, qui dans leur contexte de sens, ils ont une signification moins définitive quelque part. Mais je dis, oh, on y est, mais en même temps, la forme que tout ça va prendre, je pense que sérieusement, elle va tirer dans la destruction. Elle a une espèce de compulsion, comme une forme d'addiction, à tirer dans la destruction l'espèce humaine, la race humaine, comme le disait l'autre, et en plus le vivant, ses contextes, par une espèce de compulsion toxicomane. Alors c'est ça le problème, qu'on peut dire qu'est-ce que ça signifierait se poser ce type de problème, que cette espèce spécialisée dans la parole, etc., qui nomme, quelque part, elle s'est poussée en dehors des lettres, et donc il nomme les choses, oui. Et qu'est-ce qu'elle peut faire, non pas par un truc humaniste de prolonger l'humanité par idéologie, mais pour être comme les autres espèces animales, qu'elles sont régies par un principe actif d'autoconservation de l'espèce. Alors ça, effectivement, c'est le problème. Il faudrait dire des choses, donc dans les deux minutes, je ne peux que dire des pilules homéopathiques un peu banales. Pense qu'il faut dire d'une simplicité très forte des choses aux gens qui se posent des problèmes de compatibilité, qui continuent à parler comme des mantras de démocratie, civilité, progrès, citoyenneté, légalité, droit à... Il faudrait lui dire, est-ce que vous avez déjà vu une fois l'idée que la prise ou la participation ou toutes les formes possibles à la gouvernance, à la gouvernementalité, a donné quelque chose d'autre que tout de suite les déceptions, les accusations d'être des traîtres ou des despotes, etc. Alors, il faut un peu observer une régularité et dire que probablement, même dans une attitude qui n'est pas optimiste, le tissage systématique des modes de relation, des formes de vie, de révolte, de sabotage, fût-il microlithique, l'ensemble des choses différentes, mais qui ne s'attendent pas à une réponse par une forme, par les hauts, qui répondent à un principe de hiérarchie politique, etc., c'est peut-être le pari à faire, en considérant, et je dis le dernier mot, qu'il y a probablement un espèce d'interlocuteur, je dirais presque évident. Cette immense, comment vous voulez l'appeler, prolétariat, les gens qui mettent les enfants sur des bateaux et la moitié sont destinés à mourir, et qui après arrivent et ils font du travail à la pièce, du travail esclave, etc. Je ne sais pas, ces gens-là, ces migrants qui n'ont pas été encore nationalisés ou cooptés dans une religion, une nationalité, une identité, peut-être ils pourraient être un interlocuteur de ce type d'expérience. Mais dit comme ça, je comprends que ça finit pour être moyennement confus, mais on jette des choses. Salut. Donc, les deux dernières questions, et puis ensuite, on laissera l'intervenant conclure. Oui. Bonjour, merci. Ce que j'aurais voulu poser comme question, c'est justement par rapport à cette mafia organisée qui organise l'exploitation de l'homme. Éventuellement, si on a une bonne volonté générale et on arrive à s'en sortir et être un exemple aux yeux de l'humanité en créant une société modèle, comment peut-on se débarrasser et comment trouver notre indépendance par rapport à des mafias qui sont au niveau international, qui organisent la traite humaine, qui organisent l'exploitation humaine. Si on veut reprendre notre monnaie, on est boycotté au niveau OMC, travaille au niveau OCDE, etc. Donc, cette mise de côté par les institutions internationales pour continuer l'exploitation par des réseaux mafieux, comment peut-on faire pour se débarrasser de tout ça? Moi, c'est ma question. Bonjour. Alors, j'ai dit, Marx est un philosophe de l'émancipation, il n'est pas un philosophe de lutte des classes. Marx le premier, ou bien Marx le jeune, a pensé l'émancipation totale. Et avec le capital, il a trouvé l'idée des classes. Il parlait de la bourgeoisie nationale, car dans ce temps-là, l'impérialisme n'existe pas. Disons jusqu'à 1900, il n'existe pas. Et Marx a critiqué la commune dans le sens qu'elle n'était pas bien organisée, et pour ça, il a pensé l'idée du parti comme moyen d'aller vers l'émancipation et ne pas perdre l'affaire. Lénine vient, il dirige cette question parce qu'il invente l'idée de l'impérialisme avec les trusts et ce qu'on vit aujourd'hui. Et parler d'un parti de fer ou bien un parti comme une armée pour faire face à un impérialisme international et non pas des bourgeoisies nationales. C'est ça qui a fait dériver tous les mouvements. Les débats entre Proudhon et Marx dans les années 1860-70 montrent que la question d'émancipation, elle est la plus intéressante. Alors aujourd'hui, puisque l'impérialisme aujourd'hui est devenu un impérialisme très violent, très guerrier et très, très fortement armé, je crois que le retour au débat premier sur l'émancipation, sur les moyens autrement de s'organiser, sera l'idée la plus intéressante pour avancer vers l'idée de l'émancipation et non pas débattre sur l'État, parce que Marx a parlé de l'extinction de l'État, Lénine aussi a parlé de la fin de l'État, mais ça donnait le contraire de ce qu'ils ont pensé. Merci. Oui, je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et peut-être il n'est pas possible de que je réponde à tout ce qui a été dit. Donc je vais juste dire quelques mots qui peut-être englobent un peu l'ensemble. Alors d'abord, certains doutent qu'il est, ou disent que comment pouvons-nous savoir s'il existe cette crise du capitalisme ou pas. Alors maintenant, je ne veux pas rentrer dans des détails, des statistiques et d'autres. De toute manière, tout le monde voit que le capitalisme a dépassé depuis quelques décennies, de toute manière, son apogée, et qu'il est partout au monde dans une crise. Donc, c'est une société du travail où il n'a presque plus de travail. Et il y a dans le monde entier, les gens qui réussissent à vivre selon les critères capitalistes de travail et de consommation sont toujours moins nombreux et souvent ils se concentrent dans derrière des murs, donc comme si le capitalisme était un peu se réduit un peu comme peau de chagrin, laissant peut-être encore pour une certaine période des gens qui vivent dans des îlots du bien-être capitaliste, tandis que le reste du monde est de plus en plus abandonné à sa propre misère. Alors, si on parle de crise du capitalisme, ce ne veut pas dire qu'il y a un jour où tout va s'écrouler, mais ça veut dire que déjà, depuis quelques décennies, nous sommes dans un processus de décomposition croissante. Donc, juste, vous me dites, je ne fais pas de statistiques, mais juste te dire que par rapport à il y a 40 ans, l'économie qu'on dit réelle, qui déjà n'est pas si réelle que ça, a à peu près doublé des volumes, et les volumes des marchés financiers a été à peu près multiplié par 5. Donc ça veut dire qu'environ 4 cinquièmes de l'argent qui circule aujourd'hui dans le monde est du capital fictif, et que même ce qu'on appelle l'économie réelle se base largement sur le capital fictif. Et si on dégonflait vraiment la bulle spéculative, ce ne serait pas seulement les banquiers qui en souffriraient, mais tout le monde entier, parce que c'est aussi un problème. Nous sommes tous dans ce système-là. Il serait vraiment trop facile et trop beau si on pouvait dire là, il y a les exploiteurs, il y a les mafieux, il y a les méchants, gens, on va tous les pendre et après nous on va instaurer une société juste. Le problème que c'est au monde aujourd'hui, après 2 siècles, nous sommes tous à différents degrés impliqués dans le système capitaliste. Il n'existe pas 1% d'exploiteurs et les 99% qui sont bons. Donc nous sommes tous, que nous le voulons ou pas, dans le système. Et de l'autre côté, quand même une grande majorité de nous a quand même au moins à certains moments un intérêt pour en sortir. C'est aussi notre chance. Il n'existe pas actuellement, je pense, une séparation claire entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors, entre ceux qui veulent continuer et ceux qui ne le sont pas. En même temps, donc, la crise du capitalisme ne veut plus dire émancipation garantie après. Si le capitalisme termine, rien ne nous garantit qu'après, la situation sera meilleure. Parce que le capitalisme, malheureusement, a aussi assez de temps pour ne faire que terre brûlée autour de lui. Là où il est passé, par exemple, souvent après juste quelques décennies, surtout dans le pays du sud du monde, déjà rien ne marche plus en termes d'économie capitaliste, mais il a quand même détruit sur son passage tout ce qui existait, par exemple en forme de vie de subsistance, agriculture, etc. Donc le capitalisme a surtout une œuvre énorme de destruction. Destruction pas seulement des ressources naturelles, mais destruction aussi en termes de ressources humaines dans un sens bien différent du mot habituel, c'est-à-dire en tant que capacité naturelle d'avoir de la solidarité, de construire des choses, d'avoir des capacités, etc. Donc ça veut dire que la sortie du capitalisme est déjà commencée. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé un jour. Par exemple, je dis toujours, abolir l'argent et le travail, ce n'est pas un programme pour des utopistes fous. C'est déjà quelque chose qui arrive. Déjà, le travail est de plus en plus rare. Et déjà, l'argent, au moins l'argent entre guillemets réel, est de plus en plus rare. Sur le capitalisme lui-même, d'une certaine manière, est en train de se auto-abolir ou de scier la branche sur laquelle il est assis. Le problème est justement que cela n'est garanti nullement que quelque chose de meilleur va arriver après. Et donc là, aujourd'hui, la tâche de ce qu'on peut appeler mouvement d'émancipation sociale consiste surtout dans la construction patiente d'alternatives. Et pas pour le lendemain qui chante un jour après, pas pour le grand soir, mais même à partir d'aujourd'hui. Là, évidemment, de recettes, il n'y en a pas. On expérimente beaucoup, donc aussi pour l'autre question de la dame. Et il faut évidemment tout ce qui, d'une certaine manière, qui tente de court-circuiter la logique du salariat, du marché, et peut être positif, mais il faut quand même là aussi beaucoup séparer. Par exemple, beaucoup de tentatives de monnaie alternatives sont souvent assez dangereuses parce qu'en vérité, ils ne veulent pas abolir la valeur, mais seulement l'intermédiation qui est créée par la figure de l'argent. Donc, dans le gros chaudron des économies solidaires, alternatives, etc., je crois qu'il y a beaucoup de bonne volonté, d'énergie positive, mais il faut aussi une valutation aussi théorique sur ce qui porte vraiment au-delà de la logique capitaliste, ce qui peut-être ne fait que le reproduire de façon insidieuse. Justement, le fait que d'une manière, nous sommes tous dans le système, et de l'autre côté, beaucoup ont quand même un intérêt à en sortir, fait justement que même chacun d'entre nous, d'une certaine manière, est partagé. Donc, d'une certaine manière, sortir du capitalisme, des relations capitalistes, c'est aussi, ce n'est pas une bataille contre, je répète, contre l'1%, c'est aussi une espèce de bataille qu'on doit, chacun et chacune doit aussi faire dans sa propre patrie tous les jours. Hein. Sans d'ailleurs pouvoir se réduire à une question d'attitude, évidemment, l'action collective, mais aussi la recherche d'autres formes de vie individuelles sont des choses qui doivent aller ensemble. Et justement, c'est quelque chose que je dirais que ça va bien au-delà de l'ancienne politique. Donc, c'est là quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait de voter, même pas pour une partie qui se dit révolutionnaire, ni par le fait, évidemment, de s'accrocher une poster de Che Guevara sur les murs. Donc, c'est quand même aussi un peu qu'à leur époque, les situationnistes appelaient la révolution de la vie quotidienne. Mais qui, à cette époque-là, était vu sur un ton un peu triomphant, à un moment où le capitalisme semblait encore être en bonne santé. Aujourd'hui, donc, la révolution de la vie quotidienne, ça veut surtout dire de commencer aussi à bâtir des voies de fuite par rapport aux désastres aux alentours. Parce que là, on Et face au désastre, c'est pas tout le monde qui va prendre le bon chemin. Il y a aussi ceux qui vont former des milices, par exemple, pour se, avec la violence, pour s'accaparer le reste de ce qui reste encore en termes de production de marchandes. Il y a des fous qui rêvent évidemment du transhumanisme, comme disait Oreste, donc qui espèrent que d'une manière ou de l'autre, ce sera la science, par exemple, sous forme de géo-ingénierie, qui va nous sauver. Cette sortie, donc la question, comment trouver une nouvelle condition humaine, ce sera évidemment une bataille de tous les jours. Et là, à la limite, on pourrait l'appeler dans un sens positif, une agir politique, mais seulement dans ce sens-là. Merci.